depuis qu'elle a le ventre rond, notre vie a changé. Cette attente pleine d'émotions pour ce petit nouveau-né. Nous allons devenir parents d'un petit enfant. Quel bonheur des grands-parents d'une famille s'agrandissant. Cet amour sera toujours plus grand pour toute l'éternité. Enfin le jour arriva, c'était un moment magnifique. Elle le serrait dans ses bras et le donna à ce jeune papa. Les enfants de la terre avaient tous leur père et mère.